Chapitre 7. Deux jours plus tard, à l'aube, Pierre Guivarc et son neveu flânaient le long du quai, assistant au départ de la petite flottille camarétoise pour la pêche. La tempête complètement disparue, la mer clapotait légèrement sous une jolie brise d'est-nord-est. Derrière la presqu'île de Roscanvel, le ciel débarrassé de nuages rougissait peu à peu. Des reflets d'une délicatesse exquise miroitaient dans les eaux du port, gagnaient plus loin la rade, découpant nettement l'originale silhouette de la vieille chapelle gothique et du fortin rouge, si curieusement plantés à quelque distance l'un de l'autre, sur la jetée naturelle fermant le port, et qui donne sa physionomie spéciale, tout à fait unique, à Camaret. Une à une, les barques s'envolaient, comme de grands oiseaux aux ailes sombres ou éclatantes. On entendait un choc de chaînes remuées, d'avirons rangés le long des bordages, puis la voile blanche, brune ou rouge orangée, montait le long des mâts avec un gracieux mouvement flottant de quelques secondes, jetant un cri aigu et musical. Après quelques bordées, elle prenait le vent, s'enflait, et la barque noire à la coque luisante de coaltard filait, penchée sur le côté, coupant l'eau de son avant au milieu d'un floconnement mousseux. Toute, une fois la jetée dépassée, le phare tourné presque au ras des pierres, piquait droit vers la pointe du Grand Gouin, se suivant régulièrement, allant souvent deux par deux de conserve, et disparaissait soudain derrière l'énorme falaise, comme si elles se fussent englouties, coulant à pic. Insensiblement, le port se vidait. Il ne restait plus qu'une dizaine de barques semées çà et là, barques de retardataires, de négligents, d'absents ou de pêcheurs ne comptant pas sur la sardine ce jour-là, malgré les pronostics favorables, et ne voulant pas se mettre en fraise inutilement. « Eh, garçon, ce sera bientôt ton tour !» Sans doute le naufragé avait fait de plus beaux rêves, était revenu avec des ambitions plus hautes que de se mettre pêcheur comme ses anciens camarades, ayant aussi le désavantage de venir après eux, de ne pas connaître le métier depuis si longtemps oublié. Il fit contre fortune bon cœur. Il le faut bien. « Oh, dame, tu aurais pu avoir mieux avec tout cet argent dont tu me parlais, faire le commerce de l'écrevisse ou du homard avec l'Espagne, l'Angleterre, même prendre à ton compte une friture, devenir usinier. Mais que veux-tu? Il faut savoir se contenter de moins. On arrive tout de même, malgré que les temps soient diablement durs et que la sardine trompe beaucoup au jour d'aujourd'hui. » Le vieux secoua la tête, souriant à des souvenirs rétrospectifs, à des époques d'abondance où le poisson venait en quantité, du poisson de belle taille, où les usines le payaient gros et où la concurrence était moins forte. On en a vu de rudes depuis que tu as quitté le pays. Quand on pense qu'en 1879, en 1880 encore, la sardine se vendait 60 et 70 francs le mille. C'était un prix, cela, et on trouvait à gagner sa vie, tandis que maintenant, c'est la misère en comparaison, et il y en a qui renoncent à mettre les filets dehors. » Comme le jeune homme devenait plus maussade, semblant se dire qu'alors il était bien inutile de tenter un métier aussi peu productif, l'oncle reprit. « Bah, il y en a qui trouvent tout de même leur vie. Demande plutôt à tonton Corentin, un fameux celui-là, fameux en tout, aussi fin pêcheur que fin marin. » Tonton Corentin. Il y eut quelque amertume dans l'intonation dont Hervé accentua ce nom, et il souligna à demi sa secrète pensée jalouse. « On a toujours dit, tonton Corentin, même du temps que nous étions gamins. « Il le mérite ?» déclara maître Guivarc. Cette affirmation augmenta la moue mauvaise qui plissait les lèvres du naufragé. Mais il se tut, l'esprit plein de défiance et de sourde rancune, sentant cependant la nécessité de ne pas trop se découvrir avant d'avoir repris pied dans le pays, beaucoup de choses ne lui étant pas encore connues sur la situation et les amitiés de chacun. Une diversion se fit. Un petit homme trapu s'avançait, les jambes arquées, bouquet de poils grisonnants au menton, lèvres et joues rasées, la casquette enfoncée jusqu'aux oreilles, un maître sortant à demi de sa poche. « Bonjour, capitaine » fit-il en abordant le maître de port. « Bonjour, monsieur le Gall. « Madoué, bonne rencontre. Nous avons affaire justement à vous, mon neveu et moi. » Tout de suite, il lui montra son compagnon. « Le petit Hervé, hein, le reconnaissez pas? Il a changé. » Le nouveau venu tendit sa main calleuse de constructeur de barque, ses doigts couturés de cicatrices par le contact des outils tranchants comme des rasoirs. « J'avais entendu raconter. Oui, oui, c'est lui. Il a besoin d'un bateau, d'un solide bateau pour la sardine. »« J'ai la chose, » assura le gal. « Une occasion. Tout prêt à mettre à l'eau. Ça sort du chantier. Vous voyez là-bas sur le galet. » Il montrait une embarcation neuve, à laquelle les ouvriers mettaient la dernière main, devant l'usine du Stivel. Aussitôt, ils s'y rendirent tous trois, et le marché se débattit sans plus tarder. Il entra dans les détails techniques, vantant sa marchandise en énumérant les avantages. C'était une excellente barque, commandée par un pêcheur de Morgat, qui, tout à coup, s'était trouvé dans l'impossibilité de la payer. Construite dans le genre de celle de Douarnenez, elle mesurait 27 pieds au lieu de 23 comme à Camaret. Finalement, la chose fut conclue pour 1 550 francs. Une fois cette décision absolument prise, il sembla à Hervé Guivarc que sa situation était définitivement arrêtée, irrévocable. C'en était fini de l'être errant, vagabond qu'il avait été jusqu'à ce jour. Sa vie aventureuse se terminait pour toujours. Ce fut avec une sorte de gaieté tout à fait extraordinaire chez lui que, guidé par son oncle, il s'occupa immédiatement de compléter l'armement de son bateau, d'acheter, de commander les paniers, les voiles, les cordages, les barils, les filets, tout ce qui constitue l'arsenal varié du pêcheur. Filets à mailles invisibles, de différents calibres pour toutes les grosseurs de sardines. Filets à large maille pour l'arrêt, le turbo, les anges, les postocs. Lignes pour le maquereau, la vieille, le lieu. Paniers à homard. Une assez gentille maisonnette était allouée au Stivel, ce prolongement de Camaret entre l'usine et le chantier du constructeur Le Gall. Il la visita et, la trouvant à son gré, la loua. Désormais, il redevenait camarétois. Il lui sembla qu'il commençait une existence nouvelle, où tout paraissait lui sourire, et quand il rentra au bureau du port avec Maître Pierre, il était transfiguré. Avec une explosion de joie sincère, il s'écria, en apercevant sa jolie cousine. « Ah, ma chère Marianic, tu dois être mon bon ange, car tout me réussit ici. J'ai dû laisser le mauvais là-bas, au fond de la mer. » Avant 8 jours, il serait installé, propriétaire d'une des meilleures embarcations, en possession de meubles que l'on commandait le jour même à Brest, et que l'un des bateaux faisant les commissions entre la ville et Camaret rapporterait à son prochain voyage. Il avait même décidé que sa sœur Yvonne continuerait à habiter avec sa cousine afin de ne rien changer aux habitudes de la pauvrette qui ne le reconnaissait toujours pas. Le déjeuner fut presque gai, malgré l'attristante présence de la malheureuse inconsciente dont les prunelles suivaient tous les mouvements d'Hervé avec une curiosité étrange. « Peut-être qu'elle te devine ?» fit Pierre. Marianic ajouta. « Elle est si charmante, si douce, notre Yvonne. Son cerveau ne te retrouve pas, mais certainement d'instinct, quelque chose en toi l'attire. Son cœur te pressent, car jamais elle ne se préoccupe ainsi des nouveaux visages qu'elle peut voir. » Lorsque, dans l'après-midi, vers 3 heures, on signala au loin le retour des premières voiles, Hervé, impatient, nerveux, attendait sur la jetée, à la base du phare. Au passage, il interrogea avidement le pêcheur qui rentra avant les autres, cherchant un présage dans sa réponse, demandant « Bonne pêche ?»« 6 000 !» cria une voix joyeuse. Il se sentit tout réconforté, plein de confiance neuve dans l'avenir. Il y avait une abondance de sardines, telle qu'on n'en avait pas vu de pareil depuis 1 mois. La bonne nouvelle courut rapidement à travers le pays, et le quai fut envahi gaiement par les femmes, les enfants, tandis que les agents des différentes usines se tenaient aux aguets, jetant de loin des prises aux barques au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Une femme surtout se montrait ardente, les mains en porte-voix s'écriant « 35 francs et la goutte !» Dire qu'en 1871, ça se payait 75 francs, grommela Balanec. « Faut pas se plaindre, ça pourrait encore baisser, reprit un autre. Et du moment qu'on n'en est pas pour sa rogue, faut s'estimer heureux. » Les barques accourent en foule, sortant tout à coup par deux, par trois, de derrière le grand Gouin, comme si elles jaillissaient du rocher. C'est une course rapide de grandes ailes de couleur, allant du blanc de la toile non teinte au brun noir du goudron, au rouge du cachou. Il y en a de plus rapides, qui gagnent sur les autres, les dépassent, glissent avec une vitesse prodigieuse vers la jetée. Beaucoup de celles-là appartiennent à des gens de Douarnenez qui ont profité eux aussi de ce passage de sardines et qui apportent au plus près, à Camaret, leur pêche qui ne pourrait se conserver assez longtemps pour leur permettre de regagner leur port. On les reconnaît à leur longueur, à la manière dont elles sont taillées pour la course, pour résister aux grosses mers, car, tandis que les Camarétois ne passent généralement que quelques heures en mer, il arrive aux Douarnenésiens d'y rester 3 ou 4 jours sans rentrer. On les distingue aussi à leur mâture, les deux mâts un peu inclinées vers l'arrière, ainsi qu'à leur gréement plus compliqué, nécessitant d'amener les voiles chaque fois qu'ils veulent virer de bord. Les Camarétois ont des mâts tout droits et peuvent passer d'un bord à l'autre sans amener la toile. Pressées, ardentes, elles viennent tour à tour déposer au quai les paniers ronds dans lesquels on entasse les sardines, 200 par panier. Toute la cale est pleine du poisson d'argent, d'azur et d'émeraude qui forme un merveilleux entassement d'écailles splendides et envahit tout le fond de la barque. Les pêcheurs prennent à deux mains, à même dans le tas, et comptent rapidement en les jetant dans le panier en forme de boule. Puis le panier est plongé dans la mer, égoutté et passé à ceux qui, sur le quai, les saisissent pour aller aux usines. Parmi les plus favorisés, Tonton Corentin est rentré l'un des premiers, avec un chargement de 10 000, une journée de 350 francs. Avidement, Hervé Guivarc, penché sur le bord extrême du quai, plonge ses regards dans le ventre du bateau, analysant de l'œil cette richesse et se disant que bientôt ce sera son tour, que lui aussi ramènera ses filets emplis à craquer et qu'il reconstituera cette fortune que l'océan lui a volée, que l'océan lui doit. Sa pensée ne s'arrête plus seulement à cette étroite idée de richesse. Un espoir a peu à peu grandi en lui et s'affermit à mesure que le calme renaît dans son cerveau troublé par la succession des événements. Il a songé que cette maisonnette qu'il va meubler serait bien triste à habiter tout seul, déjà un peu grisée par le bon accueil de sa cousine, se figurant qu'un sentiment plus doux que la pitié, plus tendre que l'affection naturelle pour un parent l'a conduit vers lui, il sent son cœur battre à l'évocation du bonheur possible et se promet « Marianique sera ma femme ». Justement, il l'aperçoit qui sort de chez elle et semble chercher quelqu'un sur le quai. Il va pour se diriger au-devant d'elle, quand soudain il s'arrête, pâlissant, la gorge serrée d'une affreuse angoisse. Ce n'est pas lui qu'elle voit, c'est à un autre que s'adresse son sourire, à Corentin Garec. « Lui ? » fait-il d'une voix étouffée. Toute sa joie a disparu. Un mauvais remous de colère, de jalousie, de haine roule au fond de son être bouleversé. C'est à dents serrées, les yeux brillants et durs d'une flamme féroce qu'il gronde. « Lui !»